Je suis titulaire du permis de conduire depuis moins de 2 ans. Je dois respecter les limitations de vitesse conventionnelles, 80 km/h sur une route ordinaire. Mais ici, une limitation ponctuelle est mise en place. Elle s'applique à tous les conducteurs, sans distinction d'ancienneté de permis. Ici, je peux circuler jusqu'à 70 km/h, sans que cela constitue toutefois une obligation. Réponse B, C et D.